décliner la vie un long moment. La sagesse insinue dans le vent. La cuisson dégage nombre de présages, des bons, des mauvais, futur et passé. Purifie ton âme, transfigure-toi dans les flammes. L'alchimie, j'en fais l'apologie. Putréfaction, cuisson, sublimer tout un monde. L'alchimie, j'en fais l'apologie. Putréfaction, cuisson, sublimer tout un monde de cons. Le temps, celui d'arrêter, celui de rêver, suspendre le cours de l'histoire, poser les yeux un moment sur sa mémoire. Évaporer les actions passées, sortir du rang, devenir grand, extraire de la sphère, laisse ton esprit gagner l'atmosphère. L'alchimie, j'en fais l'apologie. Putréfaction, cuisson, sublimer tout un monde. L'alchimie, j'en fais l'apologie. Putréfaction, cuisson, sublimer tout un monde de cons. Personne ne court, le destin du monde évolue, la chaîne de la bêtise est rompue. Éclater tous les préjugés, le noir et le blanc ne sont plus qu'un camp. Toutes confessions sont abolies, plus de ségrégation dans nos vies. Sublime-toi, sublime-moi, sublime tout, sublimons-nous. Arrête-toi, assise-moi, éclate tout, exprimons-nous. Et c'est la quintessence des choses, guéris maintenant tous les mots. L'unité de l'être primordial. Putréfaction et solution, calcination, distillation, manipulation du monde. La chimie, j'en fais l'apologie. Putréfaction, cuisson, sublimer tout un monde. La chimie, j'en fais l'apologie. Putréfaction, cuisson, sublimer tout un monde. La chimie, j'en fais l'apologie. Putréfaction, cuisson.